j'ai connu Martine, elle avait 13 ans quand sonnait Martine au clocher du temps. Ma voiture est morte d'un chagrin sauront jamais.